Chapitre 9e. Non loin du palais royal, dans la rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Bonne Foi, est un petit établissement, moitié café, moitié débit de prunes, très fréquenté par les employés du quartier. C'est dans une des salles de cet estaminet modeste que le lendemain de sa mise en liberté, le vendredi, Prosper attendait M. Verduret, qui lui avait donné rendez-vous vers 4 heures. 4 heures sonnèrent. M. Verduret, qui est la ponctualité même, parut. Il était plus rouge encore que la veille, et comme la veille, il avait cet air admirable de parfait contentement de soi. Dès que le garçon auquel il avait demandé une chope se fut éloigné, « Eh bien, » demanda-t-il à Prosper, « toutes nos commissions sont-elles faites ?»« Oui, monsieur. Vous avez vu le costumier. Je lui ai remis votre lettre. Tout ce que vous demandez vous sera porté demain au grand archange. Alors tout va bien. » Car je n'ai pas perdu mon temps et j'apporte de grandes nouvelles. Le dépit de la bonne foi est à peu près désert vers 4 heures. Le coup de feu du café du matin est passé. Le moment de l'absinthe n'est pas arrivé encore. M. Verduret et Prosper pouvaient causer à l'aise, sans redouter l'oreille indiscrète des voisins. M. Verduret avait sorti son calepin. Ce calepin précieux, qui, pareil aux livres enchantés des féeries, a une réponse pour toutes les questions. « En attendant ceux de nos émissaires auxquels j'ai donné rendez-vous ici, dit-il, occupons-nous un peu de M. de Lagorre. » À ce nom, Prosper ne protesta pas comme il l'avait fait la veille. Pareil à ces insectes imperceptibles qui, une fois qu'ils se sont glissés dans un tronc d'arbre, le dévorent en une nuit, le soupçon, quand il a pénétré dans notre esprit, s'y développe et bientôt y détruit les plus fortes croyances. La visite de Lagorre, le fragment de lettre de Gypsy, avait inspiré à Prosper des doutes qui, d'heure en heure, pour ainsi dire, avaient grandi et s'étaient fortifiés. « Savez-vous, mon cher ami, poursuivit M. Verduret, de quel pays au juste est le jeune monsieur qui se porte si fort votre ami ? Il est monsieur du pays de Mme Fauvel, de Saint-Rémy. En êtes-vous certain ? Oh, parfaitement, monsieur. Non seulement il me l'a dit bien souvent, mais je l'ai encore entendu dire à M. Fauvel. Je l'ai entendu répéter 100 fois à Mme Fauvel lorsqu'elle parlait de sa parente. La mère de Lagorre, qu'elle aime beaucoup. Ainsi, il n'y a, à cet égard, ni doute, ni erreur possible. Non, monsieur. Hé hé, fit M. Verduret. Voilà qui commence à être pour le moins singulier. Et il sifflotait entre ses dents, ce qui, chez lui, est un signe manifeste d'une satisfaction intime et supérieure. Qu'est-ce qui est singulier, monsieur ? Demanda Prosper, intrigué. Ce qui arrive, parole, répondit le gros homme. Ce que j'avais flairé. Peste, continua-t-il, imitant le débit des montreurs de curiosité en foire. C'est une ville charmante, Saint-Rémy, 6 000 habitants, boulevard délicieux sur l'emplacement des fortifications, hôtel de ville très beau, fontaine abondante, grand commerce de charbon, filature de soie, maison de santé très renommée, etc. Prosper était comme sur des charbons ardents. De grâce, monsieur, commençait-il. On y connaît, poursuivait M. Verduret, un arc de triomphe romain, qui n'a pas son pareil et un mausolée grec, mais pas le moindre Lagorre. Saint-Rémy est la patrie de Nostradamus, non celle de votre ami. Cependant, j'ai eu des preuves, naturellement. Mais les preuves, voyez-vous, cela se fabrique. Les parentés, cela s'improvise. Vos dépositions sont suspectes, mes témoignages sont irrécusables. Pendant que vous désoliez en prison, je dressais les batteries, et je récoltais des munitions pour ouvrir le feu. J'écris à Saint-Rémy, et j'ai des réponses. Ne me les communiquerez-vous pas, monsieur ? Un peu de patience, dit M. Verduret en feuilletant son calepin. Ah, voici la première, le numéro 1. Salut le style, c'est officiel. Il lut. Lagorre, très ancienne famille originaire de Mayenne, fixée à Saint-Rémy depuis un siècle. Vous voyez bien, s'écria Prosper. Si vous me laissiez finir, hein ? Dit M. Verduret, et il poursuivit. Le dernier des Lagorre, Jules-René Henri, portant, sans droit bien constaté, le titre de comte, épousa en 1829 la demoiselle Rosalie Clarisse Fontanet de Tarascon, et décédé en décembre 1848, sans héritier mâle, laissant seulement 2 filles. Les registres de l'état civil consultés ne font mention d'aucune personne dans l'arrondissement portant le nom de Lagorre. « Eh bien, demanda le gros homme, que dites-vous du renseignement ? Prosper était abasourdi. Comment alors M. Fauvel traite-t-il Raoul comme son neveu ? Comme le neveu de sa femme, vous voulez dire. Mais examinons la notice numéro 2. Elle n'est pas officielle, mais elle éclaire d'un jour précieux les 20 000 livres de rente de votre ami. Jules René-Henri de Lagorre, dernier de son nom, est mort à Saint-Rémy le 29 décembre 1848, dans un état voisin de la misère. Il avait eu une certaine fortune, l'entreprise d'une magnanerie modèle le ruina. Il n'a pas laissé de garçon, mais seulement 2 filles, dont l'une est institutrice à Aix et l'autre mariée à un petit négociant d'Orgon. Sa veuve, qui habite le mât de la Montagnette, ne vit exactement que des libéralités d'une de ses parentes, femme d'un riche banquier de la capitale. On ne connaît personne du nom de Lagorre dans l'arrondissement d'Arles. « Voilà tout, » fit M. Verduret. « Pensez-vous que ce soit assez ?»« C'est-à-dire, monsieur, que je me demande si je suis bien éveillé. Je conçois cela. Cependant, j'ai une remarque à vous faire. Des gens attentifs objecteront peut-être que Madame Veuve de Lagorre a pu, après la mort de son mari, avoir un enfant naturel, non avoué, et portant son nom. Cette objection est détruite par l'âge de votre ami. Raoul a 24 ans, et il y a moins de 20 ans que Monsieur de Lagorre est mort. » Il n'y avait rien à répliquer, et Prosper le comprit bien. « Mais alors, » fit-il, devenu pensif, « qui serait donc Raoul ? Je l'ignore. Franchement, il est plus malaisé de découvrir qui il est que de savoir qui il n'est pas. Un seul homme sur ce point pourrait nous renseigner, mais il se garderait bien de rien dire. Monsieur de Clameron, n'est-ce pas ? Juste. Toujours il m'inspirait une inexplicable répulsion, dit Prosper. Ah, si on pouvait avoir son dossier à celui-là. J'ai déjà quelques petites notes, répondit Monsieur Verduret, qui m'ont été fournies par votre père, lequel connaît bien la famille Clameron. Elles sont fort succinctes, mais j'en attends d'autres. Que vous a dit mon père ? Rien de favorable, rassurez-vous. Voici au surplus, pour votre édification, le résumé de ces renseignements. Louis de Clameron est né au château de Clameron, près de Tarascon. Il avait un frère aîné nommé Gaston. En 1842, à la suite d'une rixe, où il avait eu le malheur de tuer un homme et d'en blesser grièvement un autre, Gaston fut obligé de s'expatrier. C'était un garçon loyal, franc, honnête, que tout le monde aimait. Louis, au contraire, avait les plus détestables instincts et était haï. À la mort de son père, Louis vint à Paris et en moins de 2 ans dévora non seulement sa part de l'héritage paternel, mais aussi la part de son frère exilé. Ruiné, criblé de dettes, Louis de Clameron se fit soldat et se conduisit si mal au régiment qu'il fut envoyé aux compagnies de discipline. À sa sortie de service, on le perd totalement de vue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il habita successivement l'Angleterre et l'Allemagne, où il eut une horrible affaire dans une ville de jeu. En 1865, nous le retrouvons à Paris. Il était dans la dernière des misères et fréquentait les pires sociétés, vivant uniquement dans le monde des escrocs et des filles. Il avait usé les plus honteux expédients lorsque tout à coup il apprit le retour de son frère en France. Gaston avait fait fortune au Mexique, mais jeune encore, habitué à une vie active, il venait d'acheter près d'Oloron une usine de fer quand il y a 6 mois il est mort entre les bras de son frère Louis. Cette mort a donné à notre Clameron et une grande fortune et le titre de marquis. Prosper réfléchissait. Depuis 24 heures que M. Verduret travaillait devant lui, il commença à se pénétrer de sa méthode d'induction. Comme lui, il essayait de grouper les faits, d'ajuster les circonstances à des soupçons plus ou moins probables. « De ce que vous m'apprenez, » fit-il enfin, « il résulte que M. de Clameron, le nôtre, bien entendu, était dans une profonde misère lorsque je l'aperçus pour la première fois chez M. Fauvel, évidemment. » Et c'est pas près que Lagorre est arrivé de sa province, justement. Et c'est 1 mois environ après son arrivée que Madeleine, tout à coup, m'a banni. Allons donc, s'écria M. Verduret. Vous commencez à vous former et comprendre la signification des faits. Il s'interrompit à la vue d'un nouveau consommateur qui entrait à la bonne foi. C'était un domestique de bonne maison, bien peigné, mieux rasé, portant dignement ses favoris noirs à la Bergamie. Il avait de belles bottes plissées à revers, la culotte jaune et le gilet à manches à raies rouges et noires. Après un coup d'œil rapide, mais sûr, jeté autour de la salle, il marcha rapidement vers la table de M. Verduret. « Eh bien, maître Joseph Dubois ?» interrogea le gros homme. « Ah, patron, ne m'en parlez pas !» répondit le domestique. « Ça chauffe, voyez-vous, ça chauffe ferme !» Toute l'attention dont Prosper était capable, il la concentrait sur le superbe domestique. Il lui semblait qu'il connaissait cette physionomie. Il se disait que très certainement il avait déjà vu quelque part ce front fuyant et ses yeux d'une agaçante mobilité. Mais où ? Mais en quelles circonstances ? Il cherchait et ne trouvait pas. Cependant, maître Joseph s'était assis, non à la table de M. Berduret, mais à la table voisine, et il avait demandé un verre d'absinthe qu'il préparait lentement, laissant l'eau tomber goutte à goutte de très haut, selon la formule. « Parle, » lui dit M. Berduret. « Pour commencer, patron, je dois vous avouer que tout n'est pas rose dans le métier de valet de chambre cocher de M. de Climbran. Au fait, tu te plaindras demain. Bon, j'y suis. Donc hier, mon bourgeois est sorti à pied sur les 2 heures. Comme de juste, je l'ai suivi. Savez-vous où il allait ? La bonne farce, il se rendait au grand archange, au rendez-vous de la petite dame. Va donc, on lui a dit qu'elle était partie. Après ? Ah, il n'était pas content du tout, je vous assure. Il est rentré tout courant à l'hôtel où l'autre, M. Raoul de Lagorre, l'attendait. Non, vrai, cet homme-là n'a pas son pareil pour jurer. Le Raoul lui a demandé ce qu'il y avait de nouveau, qui le mettait si fort en colère. « Il n'y a rien, » a répondu mon bourgeois. « Rien, sinon que la coquine a décampé, qu'on ne sait où elle est, et qu'elle nous glisse entre les doigts. » Alors ils ont paru très vexés et très inquiets tous les deux. « C'est-elle donc quelque chose de sérieux ?» a demandé Lagorre. « Elle ne sait rien de ce que je t'ai dit, » a fait Climbran. « Mais ce rien tombant dans l'oreille d'un homme ayant du flair peut mettre sur la trace de la vérité. » M. Berduret sourit, un homme qui avait ses raisons pour apprécier à leur juste valeur les craintes de M. de Climbran. « Eh, fit-il, sais-tu qu'il n'est pas absolument dépourvu d'intelligence, ton bourgeois ?»« Ensuite. » Là-dessus, patron, voilà le Lagorre qui devient vert et qui s'écrie « Si c'est grave, il faut se défaire de cette gueuse. »« Il va bien, le petit. » Mais mon bourgeois s'est mis à rire et à hausser les épaules. « Tu n'es qu'un niais, » a-t-il répondu. « Quand on est importuné par une femme du genre de celle-là, on prend des mesures pour s'en faire débarrasser administrativement. » Cette idée les a fait beaucoup rire. « Je crois bien, » approuva M. Berduret. « Elle est excellente, l'idée. Le malheur est qu'il est trop tard pour l'exécuter. Le rien, que redoutait Climbran, est déjà tombé dans une oreille intelligente. Cependant, comme je ne veux pas que ces gaillards-là brouillent les cartes, il faut aviser le bureau des mœurs. »« C'est fait, patron, » répondit joyeusement maître Joseph. C'est avec une curiosité fiévreuse, haletante, que Prosper écoutait ce rapport, dont chaque mot, pour ainsi dire, éclairait d'un jour nouveau les événements. Il s'expliquait maintenant, croyait-il, le fragment de lettre de Gypsy. Ce Raoul, qui avait eu toute sa confiance, ne pouvait être, il le comprenait, qu'un misérable. 1000 circonstances inaperçues jadis le revenaient. Il se demandait comment il avait pu si longtemps être frappé d'aveuglement. Maître Joseph, cependant, poursuivait. « Hier, après son dîner, mon bourgeois s'est fait beau comme un fiancé. Je l'ai rasé, frisé, parfumé, adonisé. Après quoi, il est monté en voiture et je l'ai conduit rue de Provence chez M. Fauvel. « Comment ? » s'écria Prosper, après ces paroles insultantes. « Le jour du vol, il a été assez hardi pour s'y représenter. »« Oui, mon jeune monsieur, il a eu cette audace, et même il a osé y rester toute la soirée, jusqu'à près de minuit, à mon grand détriment, car j'ai été sur mon siège trempé comme une soupe. »« Quel air avait-il en sortant ?» demanda M. Berduret. « L'air moins content qu'en arrivant, c'est positif. » Quand mon cheval bouchonné et ma voiture remisée, je suis allé lui demander s'il n'avait besoin de rien, j'ai trouvé sa porte fermée et il m'a crié des injures au travers. Et pour s'aider à digérer cette humiliation, maître Joseph avala une gorgée d'absinthe. « C'est là tout ?» demanda M. Berduret. « Pour hier, oui, patron. Ce matin, le bourgeois se levait tard et toujours d'une humeur de dogue. À midi, l'autre, le Raoul, est arrivé, furibond lui aussi. Aussitôt, ils ont commencé à se disputer, mais à se disputer. Tenez, des crocheteurs auraient rougi de les voir. À un moment, mon grand escogrille de bourgeois avait empoigné le petit à la gorge et le secouait comme un prunier. J'ai bien cru qu'il allait l'étrangler. Mais le Raoul, pas bête, vous a tiré de sa poche un joli couteau pointu et ma foi, l'autre a eu peur. Il a lâché prise et s'est calmé. Mais que disait-il ? Ah, voilà le hic patron, fit piteusement maître Joseph. Il parlait anglais, les canailles, de telle sorte que je n'ai rien compris. « Ce dont je suis sûr, par exemple, c'est qu'ils se disputaient à propos d'argent. Comment le sais-tu ? Par la raison qu'en vue de l'exposition universelle, j'ai appris comment on dit argent dans toutes les langues de l'Europe et que ce mot revenait à chaque instant dans leur conversation. » M. Berduret, les sourcils froncés, marmottait un monologue inintelligible et Prosper, qui l'observait, se demandait si par hasard il avait la prétention de reconstruire, par la seule force de la réflexion, la dispute dont le sens précis avait échappé aux domestiques. Pour finir, reprit maître Joseph, quand mes coquins ont été calmés, ils se sont remis à parler français. Mais baste ! Ils n'ont plus causé que de choses insignifiantes, d'un bal travesti qui a lieu demain chez des banquiers. Seulement, En reconduisant le petit, mon bourgeois lui a dit « Puisque cette scène est inévitable autant qu'elle ait lieu aujourd'hui même, ainsi reste chez toi, au Vésinet, ce soir. » Raoul a répondu « Entendu. » La nuit venait. L'estaminet peu à peu s'emplissait de consommateurs qui tous à la fois criaient pour avoir de l'absinthe ou du bitter. Les garçons, montés sur des tabourets, approchaient des allumettes des becs de gaz qui s'enflammaient avec de sourdes détonations. « Il faut filer, » dit M. Verdure à Joseph. « Ton maître peut avoir besoin de toi et de plus. Voici quelqu'un qui veut me parler. À demain. » Ce quelqu'un n'était autre que Cabaillon, plus troublé et plus tremblant que jamais. Il promenait de tous côtés des regards inquiets, plus tressaillant qu'un filou qui serre ses trousses toute la police de Paris. Lui non plus, il ne s'assit pas à la table de M. Verduret. C'est furtivement qu'il donna une poignée de main à Prosper, et ce n'est qu'après s'être assuré que personne ne l'observait, qu'il se risqua à remettre à M. Verduret un petit paquet en disant « Voici ce qu'elle a trouvé dans un placard. » C'était un paroissien richement relié. M. Verduret le feuilleta rapidement, et il eut bientôt trouvé les pages où avaient été découpés les mots collés sur la lettre reçue la veille par Prosper. « J'avais des preuves morales, » dit-il en tendant le livre au jeune homme. « Voici une preuve matérielle qui, à elle seule, peut vous sauver. » À la vue de ce livre, Prosper avait pâli. C'est qu'il le reconnaissait. Ce paroissien, c'est lui qui l'avait donné à Madeleine en échange de la médaille bénie. Et en effet, sur la première page, Madeleine avait écrit « Souvenir de Notre-Dame de Fourvière, 17 janvier 1866 ». « Mais ce livre est à Madeleine » s'écria-t-il. M. Verduret ne répondit pas. Il venait de se lever pour aller à un jeune homme vêtu comme les garçons marchands de vin qui venaient d'entrer. À peine eut-il jeté les yeux sur un billet que ce garçon lui remit, qu'il revint vers la table dans un état d'agitation extraordinaire. « Nous les tenons, peut-être » s'écria-t-il. Et jetant sur la table une pièce de 5 francs, sans adresser un mot à Cavaillon, il entraîna Prosper stupéfait. « Quelle fatalité !» disait-il, tout en courant le long du trottoir. « Nous allons peut-être les manquer. À coup sûr, nous arrivons à la gare Saint-Lazare trop tard pour le train de Saint-Germain. « Mais de quoi s'agit-il au nom du ciel ?» demandait Prosper. « Venez, venez, nous causerons en route. » Arrivé à la place du Palais-Royal, M. Verduret s'arrêta devant des fiacres de la station dont il avait, d'un regard, évalué les chevaux. « Combien veux-tu pour nous conduire au Vésinet ? » demanda-t-il au cocher. « C'est que je ne connais pas bien le chemin par là-bas. » Mais ce nom du Vésinet disait tout à Prosper. « Je vous indiquerai la route, » fit-il vivement. « Alors, reprit le cocher, à 7 heures, par le temps de chien qu'il fait, ce sera 25 francs. »« Et pour aller vite, combien demandes-tu de plus ?»« Dame bourgeois, ce sera votre générosité, mais si vous mettiez 35 francs, je crois... »« Tu en auras 100, » interrompit M. Verduret, « si tu rattrapes une voiture qui assure nous une demi-heure d'avance. »« Tonnerre de Brest !» s'écria le cocher transporté. « Montez donc, vous me faites perdre une minute !» Et enveloppant ses maigres roses d'un triple coup de fouet, il lança sa voiture au grand galop dans la rue de Valois.